Une prostituée, c'est comme une arme. Une arme financière, c'est le fier. Son gros cul peut faire cracher la financière. Taf, attends derrière. Car y'a la financière, c'est la ville en fer. On mange des pierres, on prend du fer, mais on sort des terres. Un bien trop toi, allez casse-toi. Je veux faire l'oseille et garder le pouvoir. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Appartenir mes couilles et voler les pourboires. Je vais te faire boire, je vais te faire boire. Jusqu'à ne plus me voir et tomber dans le trou noir. Une visière noire, deux visières noires. Tu connais l'art, je vais t'y laisser sur trottoir. Hein? T'as des buts, t'en négocies. Surtout, me ramenez pas les junkies. Moi, je suis un méchant qui joue au gentil. J'ai pas les dents fines, c'est moi qui négocie. Je suis un loup, t'es une brebis. Ton berger s'est escapé. Tes chiens vont y passer. Il n'en restera qu'un, il va te dénoncer. Tu croyais que les prostituées faisaient de l'oseille. Tu croyais que le mâle, la femelle était la reine. Tu croyais que ton allié sans collier pouvait ta mère. Qui croyait que cette chaîne allait te donner pour l'oseille. Et lui qui croyait, il pouvait tenir les rênes. Mais nous on savait. De faire les choses, moi pour te faire, j'envoie ma chienne. Pas de blabla, pas de mise en scène. T'as pas compris, pour toi c'est simple. Mais t'as pu chier, son calaché. Tu veux briller, on va t'éteindre. Un, dos, tres, cuatro. Ingo, OG, Fuego. Ce trio va te laisser sur le chaos. Narco, cargo, paro, coco. Tu me fais trop le babo, babo. T'as niqué tous tes potos. On va tous vous balayer à l'heure qu'il est, on est des terres. Ils vont boire des briques de lait, les petits bébés à leur mémère. J'ai 6 balles dans le balayer, j'ai en laissé beaucoup à terre. On se prend dedans le chargeur pour un peu plus de chargeur. Qui croyait que ces prostituées faisaient de l'oseille? Qui croyait que le mâle, la femelle était la reine? Qui croyait que ton allié sans collier pouvait ta mère? Qui croyait que cette chaîne allait te donner pour l'oseille? Nos hommes veulent bien nous emmener dans n'importe quelle cité, mais ils refusent de s'approcher de celle-là. La Castellane, c'est l'étoile noire, et les scooters, les petits vaisseaux spatiaux.